J'aborde une intersection où aucune signalisation de priorité n'est mise en place. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage aux usagers qui arrivent à ma droite. Ici, je laisse passer le véhicule bleu qui tourne sur sa gauche. Réponse A.